9-5, c'est la même. Et Jackie, c'est la même, c'est la même, même, même. Faut pas tous finir riche, j'aimerais que t'en sois conscient avant tout. Je sais de quoi je te parle parce que je suis né avant toi. On a frotté le ciment sur le chemin de l'école. Papa est ouvrier, maman garde les mômes comme des heures de colle. Le noyer monte comme la fièvre donne un mal de crâne. On peut pas guérir ce mal de vivre sans Doliprane. Débrouillard motive la famille parce que c'est toi l'aîné. Malgré les galères, pas question d'abandonner. Le petit frère court plus les filles au soleil, maintenant il marche à l'ombre. La justice l'a coincé entre Paris et Londres. Combien de jeunes ont abandonné les études sans diplôme? Les dépenses sont lourdes et on voit rouge dans cette zone. Si j'étais ton père, je serais le premier à te faire la morale. Parce que les coups ça fait mal et au final ça devient trop banal. Génération perdue, avec cette foutue peur du lendemain. Peur d'un futur et d'un avenir incertain. Classé d'office, jeunesse sacrifiée. Beaucoup trop de souffrance dans nos foyers. Perdu, avec cette foutue peur du lendemain. Peur d'un futur et d'un avenir incertain. Classé d'office, jeunesse sacrifiée. Beaucoup trop de souffrance dans nos foyers. Je peux plus aimer comme avant, donc je préfère être amant. J'écris avec un grand âme mais et l'humour passe avant. Aucun passager clandestin au teint basané. Dédie ce texte à ceux qui vivent en foyer depuis des années. Nombreux comme la bande à Kader, chez nous y'a pas de fils unique. Par ses propres moyens, il faut sauver le Titanic. N'ami pas nombreux au foyer, mais qui paye le loyer, qui apporte le prix à payer. Mais non, pas question de se noyer. Dans les blocs, certains débloquent, sortent le Glock et tirent à vue sur la stupe. La violence propage sans avoir fait maths sup. Puis les frères tombent comme la pluie tombe sur le sol. Trop loin sont les visages souriants de l'enfant à l'école. Yeah, hey, c'est Manuqué, c'est Jackie. Hey, Mafia Capri, Nef Marron, t'entends pas ou quoi? Génération perdue, avec cette foutue peur du lendemain. Peur d'un futur et d'un avenir incertain. Classé d'office, jeunesse sacrifiée. Beaucoup trop de souffrance dans nos foyers. Perdu, avec cette foutue peur du lendemain. Peur d'un futur et d'un avenir incertain. Classé d'office, jeunesse sacrifiée. Beaucoup trop de souffrance dans nos foyers. Je veux pas tomber dans l'illicite pour me faire sauter en bas de chez moi. Qu'est-ce que je veux dire à ma mère si elle me voit avec ce truc chelou? J'ai plus de 10 kilos en ma possession. Je dis adieu à ma famille, mes potes, le rap, ma passion. Parfois la nuit, seul dans mon lit, quand vient l'ennui, je gamberge. Si j'avais suivi le conseil des c'est un gros bar. Quoi te dire de plus à part que je veux casser la baraque sans tank? J'ai longtemps espéré l'or, alors je refuserai le toc. Mais c'est l'envie qui me fait avancer. La jalousie m'a relancé, la trahison a jamais distancé. Je viens juste m'expliquer, crions au monde entier de quoi je me suis impliqué. Enfance en France, souffrance atroce. Faut prendre conscience de la chance qu'on a d'être encore en vie. Je souhaite longue vie aux parents qui mettent leur môme avec rage et envie. Avec rage et envie. Génération perdue, avec cette foutue peur du lendemain. Peur d'un futur et d'un avenir incertain. Classé d'office, jeunesse sacrifiée. Beaucoup trop de souffrance dans nos foyers. Perdu, avec cette foutue peur du lendemain. Peur d'un futur et d'un avenir incertain. Classé d'office, jeunesse sacrifiée. Beaucoup trop de souffrance dans nos foyers. Perdu, avec cette foutue peur du lendemain. Peur d'un futur et d'un avenir incertain. Classé d'office, jeunesse sacrifiée. Beaucoup trop de souffrance dans nos foyers. Perdu, avec cette foutue peur du lendemain. Peur d'un futur et d'un avenir incertain. Classé d'office, jeunesse sacrifiée. Beaucoup trop de souffrance dans nos foyers. Le HLM.